peuple de pécheurs, bons et vaillants hommes de la mer, ne laissez pas mourir cet homme. Ne jetez pas l'ombre d'une potence sur votre île charmante et bénie. N'introduisez pas, dans vos héroïques et incertitudes aventures de mer, ce mystérieux élément de malheur. N'acceptez pas la solidarité redoutable de cet empiétement du pouvoir humain sur le pouvoir divin. Qui sait, qui connaît, qui a pénétré l'énigme? Il y a des abîmes dans les actions humaines, comme il y a des gouffres dans les flots. Songez aux jours d'orage, aux nuits d'hiver, aux forces irritées et obscures qui s'emparent de vous à de certains moments. Songez, comme la côte de Cerc est rude, comme les bas-fonds des Minquiers sont perfides, comme les écueils de Paternoster sont mauvais. Ne faites pas souffler dans vos voiles le vent du sépulcre. N'oubliez pas, navigateur, n'oubliez pas, pêcheur, n'oubliez pas, matelot, qu'il n'y a qu'une planche entre vous et l'éternité, que vous êtes à la discrétion des vagues qu'on ne sonde pas et de la destinée qu'on ignore, qu'il y a peut-être des volontés dans ce que vous prenez pour des caprices, que vous luttez sans cesse contre la mer et contre le temps, et que vous, homme, qui savez si peu de choses et qui ne pouvez rien, vous êtes toujours face à face avec l'infini et avec l'inconnu. L'infini et l'inconnu, c'est la tombe. N'ouvrez pas de vos propres mains une tombe au milieu de vous.